Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet. Et je tenais à rendre hommage à Marianne Faithfull, une diva des années 60, que a bien connu certainement Paul McCartney, mais aussi on va dire surtout Mick Jagger, puisqu'ils sont sortis ensemble. Elle est née le 29 décembre 1946, elle est morte le 30 janvier 2025. Elle a chanté des tonnes de chansons, notamment elle a repris certains Beatles, mais je voulais vous proposer en hommage juste avant l'émission une chanson très connue. En 1979, si je me souviens bien, c'est The Ballad of Lucy Jordan sur RIG. Après sa rupture avec Mick Jagger et la perte de la garde de son fils, Marianne Faithfull entame une période très très difficile, faite d'errance et d'héroïne surtout, malheureusement. Il lui faudra 8 ans pour retrouver l'inspiration et nous pondre un fantastique Broken English, album fondamental qui voit une nymphette des années 60, se transformer en marraine de la New Wave et du post-punk. La voix fragilisée par une laryngite irréversible, elle enregistre des titres majeurs sur cet album, dont une reprise de, qu'on vient d'écouter, de The Ballad of Lucy Jordan, Tout synthé dehors, immortalisée plus tard par la BO de Thelma & Louise. Avec ce single et des titres comme Why Do You Do It ou Broken English, elle renaît de ses cendres, influençant toute une génération de chanteuses comme P.G. Harvey et Sinead O'Connor. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il est 20h passé de 1 minute. On passe à la saga des Fab Four. Quand ça fonctionne, c'est vraiment le pied. La semaine dernière, on a vu des problèmes. Cette semaine, ça marche. Vous m'entendez ? Je vous entends, c'est un petit peu exagéré, mais je suis là dans le studio. C'est la saga des Fab Four numéro 626 qu'on refait, puisque la semaine dernière, il y a eu un ratage. Nous sommes le 12 février 2025 et l'album de la semaine, c'est l'album Flowers in the Dirt, sorti par Paul McCartney en 1989. On écoutera My Brave Face, Rough Ride, Put It There, Figure of Eight, qui était la première chanson du live que McCartney a voulu faire en 1989. C'est la première fois que je l'avais vu. C'était la chanson d'entrée, autant vous dire que c'est pas une chanson vraiment, vraiment facile à attraper. Il y aura aussi Distraction et This One. Pour Lennon, ce sera Mother sur Plastic Ono Band en 70. George Harrison nous chantera The Day the World Gets Round. Superbe. Sur Living in a Material World en 1973. Quant à Ringo Starr, ce sera Goodnight Vienna sur l'album éponyme Goodnight Vienna. D'ailleurs, je crois que je me suis amusé sur cette programmation. Ouais. Tous les titres de Ringo seront éponymes de l'album. Donc, Goodnight Vienna, sorti de Goodnight Vienna. Par exemple, Vertical Man, sorti de Vertical Man en 1998. Vous avez compris. Voilà. Mon ordinateur m'a dit que l'on accueille de nouvelles personnes. Il y a Sonia qui écoute actuellement. Elle me l'a promis. J'espère qu'elle a tenu parole. Et son papa aussi, que je ne connais pas. Donc, bienvenue à vous deux. Il y en a une troisième, mais j'ai oublié son prénom. Donc, qu'elle m'excuse. Et puis voilà, et puis il y a tous les autres, vous qui écoutez sur 90.7 ou www.rigfm.fr. On est ensemble jusqu'à 22h et une petite virgule. Et c'est la saga des Fab Four, comme chaque semaine, tous les mercredis de septembre à juin sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. A tout de suite. Les années 80 ont passablement bousculé ce que l'on appelait alors les dinosaures du rock. La nouvelle scène anglaise, menée tambour battant par de nouvelles formations telles que U2, Simple Minds, Depeche Mode, Eurythmics et autres Cure, se sont partagées une bonne part du gâteau. Tandis qu'aux États-Unis, Bruce Springsteen et Prince font partie des rares à avoir résisté à la déferlante Michael Jackson. Comme beaucoup d'autres de sa génération, Paul McCartney n'avait alors qu'une curiosité polie et il n'a pas échappé à un méchant creux de vague en milieu de décennie. Mais il la termine pourtant comme il l'avait commencé avec Tug of War, porté au plus haut par une puissante vague populaire et médiatique. En surfeur doué et intuitif, c'est avec Flowers in the Dirt, l'un de ses tout meilleurs albums, qu'il revient sur le devant de la scène et plus combatif que jamais. Plusieurs facteurs ont tout d'abord balisé le terrain à cet atterrissage inattendu. En premier lieu, le catalogue intégral des Beatles venait d'être officiellement réédité en format CD, avec à la clé un véritable tsunami médiatique. Le lifting opéré sur ces chansons par leur transfert en digital mit surtout en évidence un fait incontournable. En CD ou pas, elles n'ont pas pris une ride depuis deux décennies. Rappelez-vous, on est seulement dans les années 80. Une vague nostalgique et bienveillante allait profiter aussi bien à Paul McCartney avec ce disque qu'à George Harrison sortant d'une quasi-retraite de 5 ans avec l'épatant Cloud 9 et aussi la mise sur pied du supergroupe The Traveling Wilburys. Si l'on rajoute à cela l'apparition récente de l'excellente compilation All the Best, couvrant l'essentiel de la carrière solo de McCartney, il était compréhensible que son nouvel album suscite un vif regain d'intérêt, d'autant qu'il annonçait en même temps son désir, j'en ai parlé il y a quelques instants, de fouler de nouveau les planches avec une imposante tournée mondiale. Voilà pour le contexte. Paul McCartney affiche au compteur 46 ans, 47 moi quand je l'ai vu, en 1989, en octobre, dont son allure ne porte guère les stigmates. Et je vous l'ai déjà dit, en 89, j'avais 25 ans. Quand j'ai vu McCartney, j'avais osé penser le vieux, pour 47 ans, il se débrouille bien. Et oui, il se débrouille bien. Voici le premier titre. On lui a dit « Ça sonne comme les Beatles ». Et il a répondu tout simplement « Mais s'il y a des gens qui peuvent, qui ont le droit de sonner Beatles, c'est bien mon pote George, mon pote Ringo et moi-même ». Évidemment, John aurait pu, mais en 89, il n'était plus là. Passer de la grande joie à la grosse tristesse. Mother, John Lennon sur RG, sur l'album Plastic Ono Band. C'était longtemps avant, c'était 19 ans avant. But I never had you. colère. Hein. C'est assez curieux de voir qu'après leur dernier album enregistré, je dis bien enregistré, pour certains, le dernier album des Beatles, je parle dans la période 62-70, c'est Let It Be. Et c'est compréhensible puisque c'est dans cet ordre-là. Il y a eu Abbey Road en 69, Let It Be en 70. Mais vous qui êtes fan, vous savez très bien que Let It Be a été enregistré d'abord et Abbey Road a été enregistré ensuite. Et Abbey Road est quelque part l'album le plus abouti. Celui avec des medleys, etc. On avait dit première phase pour faire plaisir à John Lennon, deuxième phase pour faire plaisir à McCartney. C'est tout à fait possible. Mais donc c'est un album compliqué à mettre en place. Et tous les deux, McCartney et Lennon, ont choisi comme premier album solo. Là, on vient d'entendre Plastic Ono Band. On aurait pu entendre McCartney nous proposer quelque chose de... Là, ce ne sera pas le cas cette fois-ci, puisque c'est l'album de la semaine, mais proposer quelque chose de l'album McCartney en 1970. Et tous les deux ont choisi la simplicité la plus totale. Vraiment un album épuré avec pratiquement rien. En plus, John Lennon avait fait une cure de cri primal avec Jarnoff, je crois, un psychologue soi-disant, qui disait que si tu veux éprouver tes sensations de bébé, etc., il faut que tu hurles. Et en hurlant, ben, il s'est senti mieux. Tant mieux, s'il s'est senti mieux, tant mieux. Mais voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson qui est quand même sympa. Enfin, sympa, façon de parler, puisqu'il pleure sa mère qui est morte trop tôt et son père qui l'a laissé tomber. Allez, un petit peu plus de joie. The day the world gets round. On va revenir dans la joie, hein, sans problème. Avec George Harrison en 1973. Excellent album. The day the world gets round to understand. Avec Phil Spector et George Harrison à la production, qui donne un son plutôt très très sympa pour cet album. Un an plus tard, en 1974, c'est Ringo Starr qui relève le gant avec cet album Good Night Vienna. Excellent album encore de Ringo Starr, qui va bientôt avoir du mal jusqu'au début des années 80. Mais bon, encore, il bénéficie de l'essor dont on l'a mis en avant en 1973 sur l'album Ringo, où il a réussi à réunir quasiment

dark black night. In the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment. Retour à l'album de la semaine, l'album Flowers in the Dirt en 1989. Pour cet album, il ressort enfin sa basse Höfner, la fameuse basse Höfner qui a l'avantage d'avoir un son très clair et subtilement modulé. Une rythmique enlevée et des harmonies vocales impeccables font de My Brave Face qu'on a entendu au début une entrée en matière satisfaisante et séduisante même, et un trading hit single. Mais l'approche attentive de Flowers in the Dirt réserve bien d'autres surprises agréables. Dans un registre musclé, on va l'entendre dans quelques instants, Rough Ride et plus tard Figure of Eight imposent leur solide charpente rythmique et la promesse de temps fort sur scène. Mais c'est vraiment avec une poignée de ballades que McCartney marque ici le plus de points. Distraction et Put It There conjuguent leur délicate acoustique à une maturité stylistique dont leur auteur n'avait pas fait une aussi éclatante démonstration depuis longtemps. De la pure dentelle, Put It There, qui évoque sans pathos un affectueux rapport père-fils, se révèle aussi poignante qu'elle est dépouillée et directe. George Martin en a écrit les subtils arrangements. Au rayon ballade, d'autres réussites sont à relever. Plus enlevé et coloré, This One du McCartney pur sucre et How Many People avec son obsédant rythme reggae nous ramènent sur un terrain plus conventionnel sans qu'on ait du reste à s'en plaindre tant leurs mélodies sont immédiatement contagieuses. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant et on écoute Rough Ride sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Mm-hmm. hope you understand. Paul McCartney qui a repris la Dolaniac comme du temps des Beatles. Et d'ailleurs, je vais vous proposer deux chansons des Beatles à la suite que vous connaissez. 1967, le plus longtemps qu'ils sont restés à l'époque en studio. Les gens pensaient qu'ils étaient finis. Non, au contraire, ils bossaient comme des malades. Avec ce titre, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band et la suite, With a Little Help for My Friends. Vous êtes sur RUG, c'est la saga numéro 626. Je suis Thierry Gallet, on est ensemble jusqu'à 22h. It was 20 years ago today, Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but they guaranteed to raise a smile. So me, I introduce to you the active number of all these years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. I get high with a little help from my friends. How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Dit tout à l'heure que c'est en 87 d'ailleurs pour les 20 ans de Sgt Pepper que le catalogue Beatles s'est mis au CD. Et d'ailleurs c'était le premier, j'avais acheté deux CD en achetant le lecteur CD, je m'en souviens. J'avais acheté le CD Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band et un CD de Jean-Michel Jarre. Alors c'est pas du tout la même musique, mais dans le casque c'était quelque chose d'extraordinaire. Et à l'époque, je me disais, ce son extraordinaire, quel très très bon son. Et bien là, je vous ai proposé le remix 2017, j'ai encore une fois l'impression qu'on a mis un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on entend des sons, on entend de la musique, on entend très très très très bien la basse. On a l'impression que ce disque qui aura 60 ans dans 2 ans a été fait, l'année dernière, il y a 15 jours, à peine. Il l'avoue, John Lennon en 71, c'est un mec jaloux. C'était une sorte de remake de Child of Nature. Même air, mais paroles différentes. I was dreaming of the past. And my heart was beating fast. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. Énervant comment maman, alias Yoko Ono, et Sean Lennon, lui je n'en veux pas, arrive à tirer dans les fonds du tiroir et puis nous obliger presque, nous les fans, à réacheter encore le disque. Parce que là, c'est la version 2024 de cette chanson, Mind Games, enfin sur de l'album Mind Games, je voulais dire, la chanson Only People. Et il y a, ça doit être une prise différente parce qu'il y a des reprises là qu'on entend sur la fin qu'on n'entendait pas dans le titre originel. Et c'est très bien comme ça, on entend vraiment très très bien. Le seul commentaire qu'ait pu faire John Lennon sur cette chanson-là, c'était, il l'a fait dans une interview qu'il a accordée à Playboy en 1980, où oui, j'ai acheté le livre qui contenait l'interview. À l'époque, en 1980, j'avais que 16 ans, je n'ai pas acheté le Playboy pour avoir l'interview. Je vous promets. Et j'ai commencé la radio, enfin, la saga des Fab Four en 1984, donc j'ai eu un petit peu de temps pour me faire à cette idée-là. Bon, bref, croyez-moi sur parole. Cette chanson-là, il a dit Playboy, c'était sympa, mais j'ai pas réussi à avoir des paroles comme j'aurais aimé. Bon, eh ben, on retient ça. Ça, c'est l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt et ce titre, Put It There. On en parle juste après. Show you I'm your friend. You'll understand. is a time. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. If there's a fight, I'd like to fix it. I hate to see things go so wrong. The darkest night and all its mixed emotions is getting lighter. Sing along. Put it there, if it weighs a ton. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. Une des différences entre John et Paul, c'est que cette chanson, Paul m'a dit, c'est mon père qui me disait « pose ça là, si tu trouves que ça pèse une tonne, pose ça là ». Et John aurait certainement écrit cette chanson en disant ben, « c'est ce que m'a dit mon père, pose ça là », puisqu'il parlait lorsqu'il chantait, là, souvent en tout cas, c'est pas toujours le cas, parce qu'avec les Beatles on peut toujours dire quelque chose et son contraire, il parlait à la première personne, « je ». McCartney, lui, est un raconteur d'histoire, donc il dit « pose ça là si ça pèse une tonne », c'est ce que dit un père à son fils. Il signale plus tard, lorsqu'il parle de cette chanson, que c'est son père qui lui disait ça. Mais il ne dit pas dans la chanson que son père lui disait ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Faites-vous un dessin. D'ailleurs, McCartney, s'il racontait des histoires, il était aussi capable de parler à la première personne. Je vous l'ai dit, lorsqu'on parle des Beatles, enfin en tout cas de l'entité Lennon, McCartney, Harrison, Starr, on peut, la plupart du temps, donner des grandes lignes et puis prouver que c'est pas toujours vrai. Parce que eux, ils avaient le talent de se dire on peut aller dans tous les sens que l'on souhaite, on ne se donne aucune limite, et c'était vrai, et c'était tant mieux. Voici George Harrison maintenant, en 1979, sur un album, lui qui avait des problèmes pour se trouver un titre d'album, il a choisi d'appeler cet album George Harrison, comme ça, tranquille. Et cette chanson, c'est Blow Away, il y a longtemps qu'on l'a pas écoutée, la voici. Vous êtes sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Day turned black, sky ripped apart, rain for years, lit down to my heart, cracks in the leaks, the floorboards could rot, about to go down. Étiez prêt à écouter deux Beatles à la suite. Ouais, allez, on y va. Et puis un petit message pour Yann, roule cool, hein. D'accord, il comprendra ce que je veux dire. Dear Prudence, suivi de Glass Onion sur RG. Of your eyes. Dans une époque agitée par d'importants mouvements socioculturels, les Beatles étaient souvent perçus comme des prophètes et chaque chanson était passée à la loupe à la recherche de symboles et d'allusions qui pouvaient délivrer un message. Qui était l'Eggman de I Am The Walrus? Est-ce que le thé dont parlait Lovely Rita était de la marijuana? Est-ce que Henry the Horse était un terme d'argot pour héroïne? Les Beatles eux-mêmes, en grande partie, étaient responsables de ces folles interprétations, au moins pour s'être servi de la terminologie de la poésie et du non-sens. John en particulier avait pris plaisir à obscurcir sans cesse le sens de ses paroles. Mais en 1968, il était revenu vers une écriture plus simple et plus directe, principalement évidente dans les morceaux ramenés d'Inde qui ont composé cet album-là, l'album blanc. Glass Onion était une réponse humoristique à tous ceux qui se penchaient sur ses écrits à la recherche d'un sens caché. Pour composer cette chanson, John commença par reprendre les mots et les images des chansons des Beatles les plus énigmatiques. Strawberry Fields Forever, There's a Place, Within You Without You, I Am The Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill et Fixing a Hole. Puis il ajouta, en plaisantant, que le morse de I Am The Walrus était en réalité Paul. Dans certaines cultures primitives, le morse est symbole de mort. Donc, en 69, lorsque courut la rumeur prétendant que Paul s'était tué en 66 dans un accident de voiture, les tenants de cette théorie complotiste donc virent dans cette plaisanterie l'une des nombreuses confirmations de leur hypothèse. Enfin, John ajouta 4 nouvelles images provocantes pour donner un peu de travail à ses fans littéraires. Des tulipes inversées, un oignon de verre, une plage coulée dans le fer et un joint à queue d'aronde. Oula, je suis un peu perdu. Les tulipes inversées, backbend tulips, était une référence à l'arrangement floral tout à fait particulier de Parks, un restaurant londonien très couru dans les années 60. Les autres images ont toute une explication simple. Cast Iron Shore, la plage coulée dans le fer, était le surnom de la plage de Liverpool, appelée également Cassie, c'est plus simple, dont le sable est noirâtre et l'eau grise. Un joint à queue d'aronde, dovetail joint, est un assemblage de bois fait d'un tenon en forme de queue d'hirondelle et de la mortaise correspondante. Je ne comprends pas ce que je lis, mais peut-être que vous comprenez. Et Glass Onion, l'oignon de verre, était le nom que John voulait utiliser pour les Eves, un groupe qui avait signé chez Apple en juillet 1968. Vous voyez, pas chercher forcément très très très très loin. Vous aimez le rock and roll? En voici. Alors, il y en a qui n'aiment pas cette chanson. Moi, je l'adore. Montez le son à fond, je vais le faire dans le studio. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des 20 forts. You got it. rien de mieux pour chauffer la voix. You don't know what you got until you lose it. Tu ne sais pas ce que tu as tant que tu ne l'as pas perdu. On revient du côté de l'album de la semaine. Vous savez, je vous en ai parlé en début d'émission. Imaginez, nous sommes en octobre 1989. J'assiste pour la première fois au concert de mon idole. De mon idole, celle que je mets au-dessus de toutes les autres idoles. Le top of the top of the top of the pops. Voilà, c'est Paul McCartney. Première chanson, Figure of Eight. Il commence par son nouvel album. Déjà, c'est surprenant. Mais surtout, sur la première chanson, j'avais bêtement trouvé que c'était pas tout à fait comme en studio. La voix n'arrivait pas à voir. Mais oui, mais il se chauffait la voix, le monsieur McCartney. Il se chauffait la voix et... Si peut-être, de mon souvenir il y a bientôt 40 ans, peut-être il y avait un petit problème sur la première chanson, après c'était impeccable. Il n'avait que 47 ans, le monsieur Thierry Gallet de 25 ans qui pensait qu'il était vieux, Paul, à cet âge-là. Il n'avait que 47 ans et à cet âge-là, on a encore toute sa voix, tout va bien. La preuve, au mois de décembre, lorsque McCartney, 82 ans, est venu nous voir, il avait une voix un peu plus vieille. Oui, d'accord, mais c'était absolument génial. Voici la chanson Figure of Eight sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Merci Paul pour cet album, cette chanson. On en écoutera d'autres plus tard. Il y aura à venir Distractions, qui est une excellente chanson, ceci dit. Vous le savez, il est assez rare. Hein. Est-ce que vous m'avez entendu dire cette chanson-là, je ne l'aime pas du tout. Ah, ça peut arriver sur Revolution 9, par exemple. Mais sinon, non, en général, j'aime bien, plus ou moins. Nous en sommes à la cover. Qu'est-ce que la cover? Vous le savez depuis les années que vous écoutez la saga des Fab Four. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit du temps des Beatles, ou même après la séparation en carrière solo. Même si ces quatre garçons-là chantaient eux-mêmes la cover de quelque chose. C'est arrivé souvent à George Harrison, comme par exemple Baltimore Oriole, qui est une reprise. Il en a fait d'autres. Il a fait des reprises de Carl Perkins. Ringo Starr aussi en a fait. Et donc, cette cover-là est chantée par quelqu'un de connu, ou pas. Mais il faut que l'un des quatre, ou les quatre, l'ait chanté aussi. Cette fois-ci, c'est un pote, un grand pote, qui est fan des Beatles, qui n'a pas pu travailler avec John Lennon, parce qu'il est parti trop tôt. Mais il a travaillé avec Ringo Starr, en 1992, par exemple. Il a travaillé avec George Harrison en 87, puis 88, puis 90. Puis après, de toute façon, il a aidé à Free as a Bird et Real Love, etc. Et il a travaillé avec Paul McCartney en 97 sur l'album Flaming Pie. Il s'agit de Jeff Lynne, le leader, l'ex-leader, même le leader, puisqu'il est revenu sous le nom de Jeff Lynne and ELO, Electric Light Orchestra, en 1900 combien déjà? Laissez-moi regarder parce que j'ai un petit trou. En 2012, il sortait un album de reprise qui s'appelle Long Wave, avec une chanson qu'avait chanté Ringo Starr en 1970. Cette chanson, c'était « Love is a many splendid thing ». Voici la version, non pas de Ringo Starr, peut-être qu'on l'écoutera vers la fin de l'émission si on a le temps. Voici la version de Jeff Lynne sur cet album-là. Et c'est sur RLJ. Chanson qui succède à la cover, soit c'est une chanson qui ressemble aux Beatles, qui est dans le même style, ou d'un des enfants des Beatles, ou ben voilà. Ben aujourd'hui, c'est un gars qui a collaboré avec Ringo Starr pendant un moment. Il s'appelle Al Bruce, et en 2014, j'ai failli dire 1914, c'est un peu juste quand même. En 2014, il avait publié un disque qui s'appelait Dream On, et c'est très très très sympa. Vous allez reconnaître, oui, c'est dans le style Beatles, c'est très très bien fait. I told everybody all you really need is love. If we give peace a chance, we can ride on the wings of a dove. If we all stand strong, n'a peut-être pas travaillé avec Ringo Starr, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre dont le nom ne revient pas. Par contre, je suis allé jeter un coup d'œil à sa biographie et je viens d'apprendre qu'en 2004, il avait établi un record mondial en chantant un medley de 214 chansons des Beatles dans leur tonalité d'origine et devant 5000 personnes dans le Kentucky, à Louisville. 214 chansons à la suite, je prends, pas de problème. Voici un petit plus, je ne vous en ai pas parlé parce que vous savez que lorsqu'il y a Paul McCartney, je rajoute toujours un petit peu. Voici Flying to My Home, qui n'est pas vraiment extrait de l'album Flowers in the Dirt, mais qui est issu des sessions de Flowers in the Dirt. C'est paru en 45 tours, enfin, en CD quelque part, CD single, face B, si vous voulez. Quoique sur un single, si vous retournez sur un CD, si vous retournez le CD, vous n'allez pas entendre grand-chose. S'en fout, on écoute la chanson. Flying to my home sur RIG. I'm flying to my home. RIG, c'est la radio des Beatles. Oh,

je ne fais que dormir et je vous assure que tout à l'heure, à partir de 22h, vous ne dormirez pas parce que ce sera Eric et son extraordinaire émission Johnny de A à Z. L'album de la semaine, c'est l'album Flowers in the Dirt, sorti en 1989. Voici un nouvel extrait, c'est Distraction. J'entends un zip, mais c'est Eric qui est en train d'ouvrir son sac pour sortir les affaires. Rien d'autre. Les micros sont très sensibles, Eric, oui. tout à l'heure, je vous ai parlé d'une session de l'enregistrement Flowers in the Dirt avec la chanson Flying to My Home. Là, c'est une session de l'enregistrement All Things Must Pass que je vais vous proposer. En partie, vous allez voir ce qui se passe après. C'est une chanson I Live For You qui a été écartée de l'album, probablement parce qu'il y avait peu de place, mais qui a été réintégrée après dans les remasters. Une très très bonne chanson de George Harrison. Et je vous raconte après une petite anecdote que j'ai déjà dite dans la saga. n'essayez pas de régler votre transistor, c'était voulu, c'est enregistré comme ça, comme dans la série télévisée Au-delà du réel où ils contrôlent les verticales et les horizontales. Moi, j'ai contrôlé le son parce que l'anecdote que je voulais vous raconter, que je vous ai déjà donnée dans la saga, c'est qu'en 1992, oui, ça remonte, j'étais dans une autre radio et on m'avait imposé, à cette époque-là, c'est la seule radio qui m'a imposé un réalisateur. Et j'avais eu envie de lui jouer un sale tour. À l'époque, c'était des vinyles. Hein. Et je lui avais marqué de passer cette chanson, It's Johnny's Birthday. Bien entendu, le gars ne connaissant pas les Beatles, ne connaissant pas George Harrison, il ne savait pas que c'était enregistré comme ça. Du coup, je le voyais regarder partout, se dire, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tourne comme ça? Et moi, je lui faisais autant de signes que possible pour lui dire, c'est normal, mais il ne me regardait pas. J'ai piqué un fou rire, je m'en rappelle, bon, 30 ans après, plus de 30 ans après, je m'en rappelle encore. Voilà, c'était la petite anecdote sur It's Johnny's Birthday de George Harrison sur l'album All Things Must Pass. Lui, il est vertical et il se tient bien droit. C'est Ringo Starr sur RG Vertical Man. Against the wall, change the glass that you've been looking through. It's really hard for life. As bad as you think it is, 'cause every bad day turns around. Forgive yourself for all the things you did. The vertical man don't lay down. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Scream and shout, let it go. Let it go. And when the sun comes shining through for you, you'll discover even rainbows have the blues. Yes, I know it's not news to you. You know, life is tough, let it go. Out. Out. Out. On va se presser parce que Eric, c'est dans un quart d'heure à peu près, Eric. Donc ce sera Les Bras en Croix, l'album de la semaine d'Eric dans Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, on va parler d'actualité. Et oui, la saga des Fab Four aussi, c'est l'actualité. Ils ont chacun reçu un Grammy Awards et ça vaut quand même le coup. Les Beatles ont reçu la Grammy Awards pour la chanson Now and Then. C'est Sean Lennon qui est allé chercher le Grammy. Et puis, petite chose amusante, l'album rock de l'année, c'est pour Acne Diamonds. Ce sont les Rolling Stones qui ont reçu un Grammy Awards. Et rappelez-vous que sur cet album-là, il y a un petit coup de pouce d'un certain Ringo Starr et un gros coup de basse d'un certain Paul McCartney. Avec Mick Jagger qui avait osé dire « Il va pouvoir la faire, cette chanson, McCartney ?» Et les autres ont dit « Mais oui, il va pouvoir. » Et c'est un tempo enlevé, mais c'est très, très bien. Écoutez l'album de Ringo Starr et des Rolling Stones. Vous allez voir, il est bien. One, two. Ça, c'est « Now and Then ». Encore ? Allez, encore. La radio des Beatles. Et là, je vous connais, vous vous dites, il va pas oser faire les trois. Si, j'ose. Real Love, et après, on sera pas loin de se quitter. Little girls and boys, they enfin à peu près quoi quand même. Merci d'avoir écouté cette 626e édition de la saga des Fab Four. Tout de suite, c'est Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z. À très très bientôt. On va continuer dans la gamme chef-d'œuvre de Paul McCartney la semaine prochaine, puisqu'on a déjà fait 1997, on avait commencé par ça. On s'attaquera, je crois que c'est prévu, Chaos and Creation in the Backyard 2005. Ça va être super. À tout de suite. À la semaine prochaine. Salut.